Audiomatique. C'est avec le défunt groupe américain The Final Cut, originaire de la ville de Détroit, que débutait cette transmission 313 d'Audiomatic, de son deuxième album Consumed, paru en 1992. Nous entendions la chanson Fear. Et c'est avec le projet Gas que les sonoristes ont convenu d'assurer la continuité musicale à Audiomatic. Thank you. Audiomatique, cette séquence de deux pièces nous entraînait dans des univers un peu plus techno-minimalistes. C'était la musique du duo Dengue Dengue Dengue que nous venons d'entendre. Il nous offrait la composition Atlantida, apparaissant sur le mini-album Continentes Perdidos, paru il y a quelques semaines sur l'étiquette britannique On the Corner. Notons que pour cette parution, Dengue Dengue Dengue a utilisé l'acronyme DNG DNG DNG pour se produire. Et avant cela, c'était le projet Gas et l'une des 8 pièces sans titre qui compose la plus récente édition de l'album Kuningsforst, paru en format triple vinyle en 2019. L'édition originale de cet album fut publiée en 1998. Et sachez d'ailleurs qu'entre les différentes versions qui existent de cet album, en fait entre les 3 versions qui existent de cet album, l'ordre des pièces et les pièces elles-mêmes peuvent varier. Le duo italien Shadow World est le prochain interprète sur la liste de diffusion d'Audiomatique. caterpillars curled up on a leaf, counting all the new friends that are on her list to leave. Cocoons aren't made for communes, she needs her wings to spread. A forest of old lovers, not enough for playing dead. It's not easy being inconclusive, Carolina said. The sink tastes like an ashtray, never washed and upside down. Get a life, says old Aunt Agony. She turns the volume down, teleports back to the bathroom where she might be found. Reclining Venus, extra furs, so fine in such a gown. It's not easy being inconvenient, Carolina frowned. Now she'll burr like Eartha Kitt, with bloody nails, Letitia's whips. The cat stares from the pillow, never judging, only sits. If she learned how to be patient, no need to bite her tail. The oracle, she's ancient, she did not inhale. Carolina caterpillar slips from hive to hive. She stops off at the pink knot to get cigarettes and flies. She knows she's got an hour before something in her dies. It's not me, it's you, and that's what's tragic. Audiomatique, nous avions droit en conclusion de ce segment musical à la collaboration entre Amanda Palmer, qui a fait partie du duo de Dresden Dolls, et Edward K. Spell, entre autres leader du groupe de Legendary Pink Dots. Ensemble, ils ont fait paraître en 2017 un mini-album intitulé The Hands et un album intitulé I Can Spin a Rainbow. De ce dernier, nous entendions la chanson The Changing Room. Précédemment, à Amanda Palmer et Edward K. Spell, nous vous présentions l'artiste québécois Maxime Vallière et sa composition Patterns, extraite de son plus récent mini-album The Sun Will Rise. Et pour amorcer ce bloc, le duo italien Shadow World, composé de Roberto Del Vicchio et de Claudio Carluccio, nous interprétait la pièce Pickup Song que l'on peut retrouver sur son mini-album Empty Rooms, Pickup Song est en fait une chanson originalement composée et interprétée par le groupe new-yorkais Codeine, qui l'a endisqué sur son premier album Frigid Star LP en 1990. Audiomatics poursuit sur la musique de l'Exploding Star Orchestra. Thank you. À Audiomatic, cette séquence se concluait sur la musique du projet Soon de l'artiste canadien d'origine autochtone Daniel Monkman. De son premier album Bleached Wave, sorti récemment, nous écoutions la pièce Help Me Understand. Le nom du projet Soon, qui s'écrit Z-O-O-N, est en fait un dérivé du mot Soon Guide the Wind, un mot qui décrit le courage et la bravoure en Ojibwe, qui est la langue natale de l'artiste. Et avant Soon, nous entendions une composition de l'Exploding Star Orchestra, dirigée par le compositeur Rob Mazurek, soit Impression No. 1, qui est tiré de l'album Stars Have Shapes, paru en 2010. Soulignons au passage que l'Exploding Star Orchestra est sur le point de sortir un nouvel album intitulé Dimensional Stardust sur étiquette de disque International Anthem. Ce sera avec la formation canadienne Skinny Poppy que nous mettrons un terme à la transmission 313 d'Audiomatic. Nous entendrons la pièce instrumentale de Center Bullet qui apparaît sur la réédition de 1993 de l'album Bites, qui est considéré comme le premier album de Skinny Poppy et qui a été originalement lancé en 1985. The Center Bullet a été initialement composé par The Tear Garden, qui est formé de membres de Skinny Poppy et du groupe The Legendary Pink Dots, et a été enregistré sur le premier mini-album homonyme de The Tear Garden, paru en 1986. Sur cette version, on peut entendre la voix du chanteur Edward K. Spell, contrairement à la version instrumentale de Skinny Poppy que nous entendrons pour clore l'émission. Pour différencier les deux versions, on a orthographié le mot Center, C-E-N-T-E-R pour la version chanson sur le mini-album de Tear Garden et C-E-N-T-R-E pour la version instrumentale sur l'album Bites de 1993 de Skinny Poppy. Les sonoristes n'attendent maintenant que la transmission 314 d'Audiomatic pour actualiser leurs choix musicaux, toujours en espérant que ceux-ci ouvrent de nouvelles perspectives musicales ou consolident celles déjà existantes chez les personnes qui entrent en contact avec notre univers sonore. La transmission sera, comme toujours, diffusée les mercredis à 17h. Et donc, cet univers sonore d'Audiomatic est aussi accessible dans son intégralité depuis la transmission 001, notamment par le biais de nos profils mixcloud.com/audiomatic et facebook.com/audiomatic-cfou. Voici Skinny Poppy et la pièce de Center Bullet. C'était Audiomatic avec les sonoristes. Thank you. Thank you.